transmuté, changé. Puis comme les formes s'éliminent devant elle au fur et à mesure qu'elle avance. Yeah. Pour moi, ça va être un grand plaisir pour moi. Aujourd'hui, j'ai un plaisir, mais ça va être un plus grand plaisir parce que la vibration est encore plus haute. Non, pas de forme des enfants. Il y en a pas mort pour répondre à la madame. Il y en a, ils n'ont moins que nous autres, mais il y en a. Il y a un petit gars de 6 ans, un petit frère de 8 ans, puis il sort des choses, c'est fantastique, venant de l'univers comme ça. Ils vont sortir, mais c'est à leur façon. À leur façon. Parce que plus tard, ça va être la même façon que toi. Il faut que le commentaire se développe. Est-ce que quelque chose, Bernard? Non, quelque chose? J'ai encore mon cours, Bernard. Oui. Dans une conférence, j'ai réponse à une question. Moi, j'ai vu ton livre, ça m'a piqué de ce point-là parce que. Moi, je le désire, pas avoir le petit de façon à être mieux. De façon à être quoi? Être mieux possible. Avec mon Quand je dis à une personne, je t'en parlerai pas en parlant public pour protéger ton intimité, parce qu'il y a des choses, il y a des choses. Moi, j'ai pas des mots. Quand je te parle à toi, quand je parle de toi depuis ton intimité, je te parle à toi. Puis moi, ce que je te dis, ça sort. J'ai pas de mémoire. Mais les gens doivent. Je dois respecter l'intimité des gens. T'en veux pas d'intimité, mais tous les gens ont de l'intimité. Moi, j'en ai de l'intimité. Moi, il y a des choses que je ne suis pas intéressé de mon cœur. Ça fait partie de ma vie personnelle, puis ce n'est pas des affaires à faire ça. Je comprends ton point dans le sens que tu veux extérioriser ton être intérieur le plus possible pour établir une résonance parfaite en ce que tu sens et en ce que tu conçois de devenir. Mais ça, c'est pas l'affaire personnelle, c'est pas l'affaire de tout le monde. Je vais donner un exemple graphique. Il y a des gens dans les groupes là, qui sont homosexuels. Moi, je le sais qu'ils sont homosexuels. Souvent, je vais leur parler, je vais leur expliquer des choses, je les amène à totalement sortir de l'illusion de toutes les formes rattachées à ça. Mais c'est pas l'affaire du monde de savoir ça. Si les gens sont objectifs, c'est un autre paire de manque. Si les gens ne sont pas objectifs, pour être objectif, il faut avoir un ego totalement translucide. À ce moment-là, tu n'as plus de mémoire. À ce moment-là, ce qui rentre dans toi et ce qui sort de toi, ça n'a plus d'effet sur toi-même, mais les gens ont droit à leur intimité, puis tu as droit à ton intimité. Il faut que tu la respectes, cette intimité-là. De temps en temps, je vais me servir d'un personnage pour expliquer des choses pour tout le monde. De temps en temps, on va dire, bon, mais toi, tu as une tête de cochon, mais les gens savent que j'attaque pas le personnage, j'essaie d'expliquer un mécanisme, pour faire comprendre à d'autres personnes quelque chose, pour créer dans la personne une vibration pour qu'ils reconnaissent quelque chose. Mais ça, ce n'est pas affecter son intimité, c'est expliquer d'une façon parfaite le caractère à l'intérieur de la mécanique de l'esprit du négo. Les gens ont leur intimité, il faut que je le respecte. Je comprends ton point. Ouais. Le fait de désirer ne pas nous avoir. Je comprends que l'intimité que j'ai est créée par les autres, il faut que je respecte. Ouais, mais n'oublie pas une chose, Michel. Michel? Michel Aimé? Aimé Michel? Michel. L'affaire Aimé, c'est que

Parce que prendre les chocs vibratoires d'un homme, faut qu'il y ait beaucoup d'amour entre toi et cet homme-là. Hey, je voudrais bien qu'un homme fasse passer une initiation avec la tête de cochon rougie. Fait que les gens qui ont vécu l'initiation avec moi, c'est des gens qui m'ont aimé beaucoup. C'est ça qui m'a permis de faire ça. Sans ça, ils me rentrent dans les murs. Il y en a un qui est 6 pieds 4, chose. Il me rentre dans les murs. Commence pas à donner des chocs à un gars de 6 pieds 4 quand tu mesures 5 pieds 2. Qui a beaucoup d'amour, puis qui absorbe l'énergie, puis absorbe l'énergie, puis absorbe l'énergie. J'ai passé une initiation avec Michel, je me rentre dans les murs. Mauvais. Déjà, vous voulez les faire. Oui, mais je sais pas. Quand vous me rencontrez au début, hein, la réaction, c'est ça. Puis dans ce temps-là, quand tu as des chocs durant l'initiation, c'est des chocs. Comment tu t'as gros de même? Tu passes ça dedans. Des chocs, au bout des chocs, les guns. Quand je mettais un gun à la tête, hein, le gun à la tête, je tournais le baril, paf! La balle, elle partait pas. Mais tu subis le choc. Fait que tu peux plus faire ça, éventuellement, t'es épuisé. T'es à terre. Moi, je suis à terre, je suis à terre. C'est ça qui me tient. Puis de ça, à cette heure que j'ai vécu ça, c'est ça l'initiation. Ils m'ont fait passer par l'initiation avant, pendant 10 ans de temps, pour que je puisse ensuite avoir tellement d'énergie ici que je puisse communiquer ça au monde. C'est ça, le ce qui s'est passé. C'est là que je dis, quand je parle au monde, que les gens me prennent objectivement, parce que si, je suis un homme objectif, les gens me prennent objectivement. À ce moment-là, ouais, si je dis, bon, mais tes yeux crochent, mais regarde-toi dans le miroir, tu vas voir tes yeux crachent, puis là, tu vas comprendre, puis ils vont se redresser. Mais je vais voir maintenant, je pense qu'on peut en prendre un peu. Ah oui, mais pas de moi. Si vous allez le prendre entre vous autres. C'est entre vous autres, c'est dans votre vie personnelle. Ou en relation avec votre propre énergie, plus de moi. Avec l'entourage, ça devient calme. On se comprend tellement entre nous autres. C'est comme un choc vibratoire. Ça fait un peu. Comment tu fais là? Regarde ce qui est arrivé avec Diane de 2 semaines. Ouais. Non, le travail se fait intérieurement. Les temps sont ouverts. Fait que ça se fait intérieurement. Elle est prête à m'étouffer. Ça se fait intérieurement. Moi, je sais simplement ouvrir les sens. Pas que c'est fait. Un des chats comme les chauds, il me reste à gré, là, il serait parti. Avec sa sensibilité. J'ai pas compris l'autre jour, quand il a fait ça, durant la rencontre, une rencontre, parce qu'il était dans l'énergie. Oui, il était dans l'énergie. Parce qu'elle était dans l'énergie, puis cette énergie-là est deux. C'est pénible. Pourquoi qu'elle a rendu à ce moment-là qu'il le fasse? Parce que c'est là que ça s'est manifesté le plus fort. Il est à tout diriger, cette énergie-là. Puis ça s'en sortit. Et quand t'es objectif, tu laisses faire. Ah oui, c'est évident. Ça ne sera pas le fun. Mais pourquoi aimer? Il y en a d'autres qui pensent que Bernard n'est pas là ou. Il y a bien des gens qui parlent, il y a bien des gens qui vont manger. Non, évidemment. Il y a bien des gens qui passent chez eux, qui passent. Je parle de bestet. Là, ils vont commencer à me faire parler de lui. Ils ont des raisons. Nune qui s'est fâchée, elle dit, toi, c'est pas tout de croteau puis de bessette. Je sais pourquoi je parle tout de croteau puis de bessette. Ça, je parle d'un autre. Parce que ça va rester dans le mental du monde. Voilà. Monsieur Dumont, ils ont de la fascination. Il faut que les gens se désengagent. Ou qu'ils viennent à eux-mêmes. Alors, tu disais que quand tu exprimais quelque chose, tu n'as pas vraiment ce que tu aurais aimé exprimer. Regarde comment tu perçois le. Tu vas dire quelque chose. Ben, les gens vont l'interpréter à la façon qu'ils pensent que tu le dis. Mais à un moment donné, quand il arrive, l'illusion tombe, là. Ben, l'interprétation, elle est là. Elle est exacte. C'est ça, se détacher de ce que tu dis. Parce que la parole, c'est la parole. La compréhension, c'est la compréhension. C'est deux. Tu es obligé de le dire d'une façon aujourd'hui pour que ce soit compris d'une autre façon demain. Je suis allé chez Thibault Desrosiers pour acheter quelque chose. Pour la maison. D'abord, je ne savais pas ce que je voulais, parce que la construction, je ne connais pas ça. Mais je connais ça. Fait que je parle à dire au bonhomme d'une certaine façon, puis il m'arrive avec le produit que vous voulez. Fait que sans qu'eux autres soient obligés de me dire, mais t'as besoin de telle affaire, rien que le fait que j'ai parlé d'une certaine façon, il m'est arrivé de l'affaire. Et eux autres, ils me disent, c'est ça que t'as besoin. Mais nous autres, nous, au niveau de l'ego, on a toujours peur de faire des erreurs. Oh, c'est intéressant. On a toujours peur de faire des erreurs au niveau de l'ego. Puis il dit que c'est une illusion. On ne peut pas faire d'erreur. Ça n'existe pas des erreurs. On pense qu'on fait des erreurs parce qu'on juge ce qui sort de nous autres. Il dit que ça n'existe pas des erreurs. C'est une illusion de l'ego. Puis une fois que l'ego comprend ça, il fait son erreur, mais ça produit quelque chose, cette erreur-là. Puis c'est à l'ego d'être neutre. Il met où son nez là. Après, il veut corriger les erreurs. La première chose, tu sais, ça sort plus. Hier, je parlais, je disais, bon, tu te mets le doigt dans l'œil. Ce que. Non. Je vous l'ai dit, tu te mets le doigt dans l'œil. J'ai dit, tu te mets l'œil dans le doigt. C'est le même, souvent, il déforme tout. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Mais ça fait rire le monde, ça détend. Mais moi, au niveau de mon ego, je dirais pas, il se met l'œil dans le doigt. Mon ego dirait, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais ça fait rire la vibration. Les gens ne diraient pas, parce que c'est normal de dire, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais le fait que j'ai dit, tu te mets l'œil dans le doigt, là, ça fait rire le monde. Puis après ça, vous avez dit, tu te mets l'autre dans. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Et puis, tu mets l'autre dans l'œil. Mais l'ego s'attache aux mots, puis l'ego veut toujours contrôler ce qu'il dit. Puis c'est pour ça que l'ego est pas capable de parler. Il veut contrôler ce qu'il dit. Fait que ça finit par un langage intellectuel. Puis... Le monde a compris, l'œil dans le doigt. Ils ont compris ce que ça veut dire. Puis ça a fait la vibration, ça détend la salle. Ça n'existe pas les erreurs. On pense. Tellement à ce qu'on fait, à ce moment-là, on commence à vivre.

C'était pour souffrir à l'expérience. C'est pour ça qu'éventuellement, l'occulte, les gens parlent d'occulte. Moi, là, ça n'existe pas, l'occulte. Vie réelle, vie bien réelle. Dans cette période-là, tu es fou. Tu l'es fou. Autrement dit, t'es fou. C'est un changement total. Seulement, tu peux pas craquer parce qu'ils tiennent, ils tiennent, puis ils tiennent, puis ils tiennent. Tu peux pas te suicider parce qu'ils tiennent. Ils t'enlèvent ton libre arbitre, fait que tu peux pas te suicider. Tu peux même pas te lever de ta chaise s'ils veulent pas. Puis quand t'es un universitaire, je dis pas si j'avais été préparé comme Bessette. Bessette, il s'est été préparé à l'an astral. C'est des êtres spirituels. Fait que quand ils viennent, ben, t'es préparé, t'es content. Mais quand t'es un intellectuel comme moi, j'étais en science, moi j'étais en génie, pis t'arrives avec une patente de même, genre, j'ai t'offert un mot d'histoire. Tu penses que c'est le soleil qui rentre, parce que tu viens, c'est le soleil qui rentre dans la maison, tu sais. Un petit rayon soleil. Là. C'est plus un rayon soleil, là. C'est une affaire, c'est comme un laser, pis ça rentre, là, pis là, ça arrête, là, pis il y a une forme qui commence à se développer, là. Là, tout d'un coup, il y a un être qui sort de ça. Tu commences à faire une. Oh, peut-être mieux. Ouais. Puis il parle pas avec des mots, il communique tout par télépathie. Hein. Que, ben, tu comprends vite en maudit. Là, ils sont bien beaux. Ils sont beaux. Là, tu fais tes genoux. Tu penses pas faire ta vaisselle dans ce temps-là. Tes genoux. Là, tout d'un coup, là, il change d'image complètement, c'est un autre. Là, c'est la laideur complète. Tu sais, les gens parlent des formes sataniques. Là, c'est l'opposé complètement. Des monstres avec des queues et des cornes. Ils sont devant toi, je trouve que les yeux, t'es voué. Les portraits du diable qu'on peut voir. Wow, wow. Ça vient de l'imagination de l'homme. Quand c'est matérialisé, wow. Là, t'es géant encore. Là, tu passes par ça, ça chante. Là, tu sais pas ce qu'est le pied lancé. Puis, tiens-toi, toi, moi de même, mais que t'as pas. Demande-toi pas pourquoi est-ce qu'il t'a envoyé dans le jeu de prendre un break. Son autre émission, sa dernière émission. La 15e émission, ça a toujours été écrit dans les livres. Les initiés l'ont toujours dit. C'est ceux qui ont eu des grandes expériences. C'est pour que l'homme soit préparé. L'homme soit préparé. Les gens veulent ça. Tu peux pas vouloir ça. Si tu prends tes larmes, il faut que tu sois préparé. Quand tes corps sont préparés, à ce moment-là, ça va bien. Faut que tu sois préparé. Ah oui, mais d'abord, même si ça a été écrit, le monde n'a pas compris complètement bien. Le monde n'a pas d'expérience. Comment tu lirais des livres? C'est ça la grande souffrance. La grande. Moi, je n'ai plus de souffrance, j'ai plus de souffrance. Mais la grande tristesse de l'âme, c'est. Le temps. Fait que quand je vois du monde, puis je sais que ça avance, puis qu'ils comprennent, là, je suis content, frère. J'ai plus d'efforts à faire. T'sais, j'ai plus d'efforts. Wow. Une fois que les gens sont en harmonie vibratoire avec moi, je pense pas que les gens acceptent ce que je dis. Et une fois que les gens sont en harmonie, je veux le voir avec moi à ce moment-là, je suis content que tu relaxes. Là, je parle. Je sais que c'est un va loin. Là, je fais. C'est plaisant. Mon travail devient plaisant. Mais au niveau des extraterrestres, ça peut arriver, mettons, que c'est pas moi qui viens, mais arrête dans ton jardin, c'est pas vrai. Le phénomène des extraterrestres, j'aime les gens qui sont pas prêts. Le phénomène extraterrestre, c'est un phénomène humain, c'est pas un phénomène transcendantal, c'est pas un phénomène cosmique, les extraterrestres. Les extraterrestres sont très avancés dans la science de communication, puis ils savent s'ils vont à un endroit, ils vont à un endroit, puis ils savent des gens où ils connaissent l'environnement psychique. Puis il y a des gens qui bousculent à cause de ces expériences-là, puis il y en a qui grandissent à cause de ces expériences-là. C'est-tu vraiment parce qu'on s'est intéressé à notre science au niveau de l'énergie ou tu ne fais pas une justice C'est pas qu'ils checkent des sources énergétiques, c'est qu'ils prennent l'énergie électrique puis le transforment. Pour le... Ils sont capables de prendre l'électricité puis de transformer. Donc, ils n'ont pas besoin de contact avec les autres. Non, ils n'ont pas besoin de contact. Sauf souvent, ils vont faire des contacts. Souvent, ils vont faire des contacts à l'insu de l'individu. Souvent, ils vont faire des contacts directement avec les individus. Borgia, en Espagne, a eu des contacts directs avec eux autres. Oui, il est vrai. Ça faisait partie de son plan de vie. Ouais. Ça faisait partie de son plan de vie. Souvent, les gens qui ont des contacts avec des extraterrestres sont des égaux qui viennent déjà d'autres planètes. Qui se sont incarnés sur la planète Terre, puis qui reviennent en contact avec ceux dont ils sont originaires. Ils retrouvent les êtres dont, d'où ils viennent, donc, avant la mort. Non, à ce moment-là, ils ne se rappellent pas qu'ils ont été un extraterrestre. Non, ça ne rappelle pas. Peut-être pas son égo, mais ils oublient bien cette part, maintenant. C'est au niveau de l'évolution. Si tu pars d'une planète, tu reviens sur le plan matériel, tu t'incarnes sur le plan matériel, puis que ça fait partie de ton plan de vie, viennent éventuellement, tu fasses un contact. Adamski, c'est un exemple. Adamski venait de la planète d'où venaient ceux qui sont venus, qui l'ont visité. Ça, il y a tout ça de raison. Il ne faut jamais mélanger le phénomène extraterrestre avec le phénomène des mondes de lumière. C'est deux patentes différentes. Les extraterrestres sont des hommes comme nous autres. Ils ont le pouvoir sans matière, ils sont immortalisés. Mais ils ont le pouvoir, ils sont des hommes comme nous autres. Le phénomène de lumière, c'est un autre pain de monde. Lunch. Commencez à parler. Très intéressant. On a commencé un petit peu d'une couple de minutes. On doit en arriver à être tellement sensible à notre énergie que on doit jamais s'occuper de ce qu'on a à dire. On devra jamais s'occuper de ce qu'on a à dire. Puis plus l'ego s'habitue à pas s'occuper de ce qu'il a dit, plus l'ego devient un canal de ce qu'il a dit. Si on s'occupe trop de ce qu'on a dit, on déforme ce qu'on a à dire. Et ça sort pas juste. Puis le mécanisme de la construction du canal en relation avec le pouvoir de la parole est lié à deux facteurs. La sécurité de l'ego et